et bienvenue à une deuxième édition annuelle de Merry Chipmiss sur Mathieu Planchot. Je m'appelle Mathieu Plante. Et comme on a fait l'année passée, on va écouter des compilations de musique de Noël, mais version chiptune, créée évidemment à partir de consoles de jeux vidéo ou inspirées par les jeux vidéo. Cette fois-ci, on va écouter les éditions 2014 et 2013 de Merry Chipmiss que vous pouvez retrouver sur breakbreakbreak.com, donc brkbrkbrk.com. Commençons par l'édition 2014 parce que l'édition 2015, étrangement, n'est pas encore sortie. Au moment où j'enregistre cette émission-là, ça va sortir le 20 décembre. Vous allez pouvoir la retrouver sur brkbrkbrk.com/mc2015 à partir du 20 décembre. Donc, pour vous, c'est déjà fait. Donc, retournons en arrière à l'édition de 2014 en écoutant plus tard un cover de « O Come Emmanuel » par Mike Rody. Il y aura aussi « Pasqua Feliz Pal Kelly » par CL Source, mais débutons avec « An Uncle Bibi Christmas » featuring Sandro par Uncle Bibi et Mathieu Planchot. Come, Oh Come, Emmanuel, cover par Micro D, précédé de Pasqua Feliz par Kelly, ou Happy Christmas to Whoever is Reading This par CL Source, et on débutait avec An Uncle Bibi Christmas featuring Sandro par Uncle Bibi. Vous écoutez un spécial Merry Chipmiss 2014 du Mathieu Plante Show. On continue avec Fairy Tale of New York cover par Blanky. Thank you. C'était Merry Christmas Mr. Lawrence cover par Micah, précédé de Oh Blessed Joy par 3ND Neon, et on a débuté avec Fairy Tale of New York cover par Blanky. Vous écoutez un spécial Merry Christmas 2014 du Mathieu Planchot. On n'écoute que des pièces de musique créées avec des consoles de jeux vidéo, et on continue avec Laffy the Fox, voici Christmas Kebab. Thank you. trying to make the mind. So run, run, Rudolph, or rattles not too far behind. Run, run, Rudolph, Santa's gotta make it to town. Can't you make him hurry, tell him he can pick his way down. Run, run, Rudolph, cause I'm reeling like a merry-go-round. Says Santa to a boy child, what are you hoping for? All I want for Christmas is a rock and roll electric guitar. So away went Rudolph, whizzing like a shooting star. Run, run, Rudolph, Santa's gotta make it to town. Can't you make him hurry, tell him he can take the way down. Run, run, Rudolph, reeling like a merry-go-round. Make it to town. Santa, make him hurry, tell him he can take the freeway down. Oh, run, run, Rudolph, cause I'm ringing like a merry-go-round. So Santa to a girl child, what would be the most to get? A little baby doll that can cry, sleeping away. Then away went Rudolph, whizzing like a saber jet. Run, run, Rudolph, Santa's gotta make it to town. Oh, Santa, make him hurry, tell him he can take the freeway down. Oh, run, run, Rudolph, I'm feeling like a merry-go-round. C'était Run Run Rudolph cover par Yuen Lin, précédé de Santa Claus Arigato par Tobo Kegao. Et on a débuté avec La Fille de Fox et la pièce Christmas Kebab dans ce spécial Merry Shipmas 2014, bien sûr, la musique de Noël version chiptune. Et on continue avec Dead Morrows Drunk Nose Upgrade Version par Micro Cobra. Thank you. et Christmas Rapping cover par Joe Bleeps, précédé de There's Always Tomorrow cover par Pieces of Eight, et on a débuté avec Dead Morrow's Drunk Nose Upgrade version par Micro Cobra. C'est le spécial Merry Christmas 2014 qui continue. On n'écoute que de la musique créée à partir de consoles de jeux vidéo mais qui rend hommage à Noël. Et on continue avec Kusetsu Japanese for Snowfall featuring Nitro Pulse par Dream Eater. We'll be right back. What do you want for Christmas, little boy? C'était You'll Shoot Your Eye Out par Babyface. Avant ça, The Playdates, The Jewel Calendar Cover par La Fille de Fox, encore une fois. Et on a débuté avec Kosetsu, Japanese for Snowfall, featuring Nitro Pulse par Dream Eater. Dans le spécial Merry Chipmiss 2014, vous pouvez retrouver la compilation sur brkbrkbrk.com/MC2014. Et on continue avec Twist Boy. Voici See You Next Year. We'll be right back. c'était Last Christmas featuring un symbole en asiatique, japonais, chinois quelconque par Jiffy Pop 23, précédé de Auld Lang Syne cover par 2XAA. On a débuté avec Twist Boy et la pièce See You Next Year. Et justement, on ne se reverra pas l'année prochaine, mais plutôt l'année précédente dans la prochaine heure, parce qu'on va retourner en 2013. Mais pour entendre la compilation Merry Christmas 2014, visitez brkbrkbrk.com/mc2014. Comme je disais, au retour, Merry Christmas 2013 au Mathieu Plante Show sur site. Toujours à la deuxième édition annuelle de Merry Christmas au Mathieu Plante Show. Dans la première heure, on a entendu la compilation de 2014. Maintenant, on recule à 2013. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver la compilation de 2015 depuis le 20 décembre sur brkbrkbrk.com/mc2015. Mais pour 2013, le premier bloc contiendra Jingle Bell Rock ainsi que The Christmas Song. Mais pour l'instant, voici Joe Beeps avec Step Into Christmas. C'était Dee Boyd avec Jingle Bell Rock, précédé de Mute Key avec The Christmas Song. On a débuté avec Step Into Christmas par Joe Bleeps dans ce spécial Merry Chipmas 2013. On continue avec CL Source, voici Santa Drank My Colemona. We'll be right back. Tiny Snow Shovel par Sleeping Arms, précédé de Ika Sam et Christmas Memories. Et on a débuté avec CL Source et Santa Drank My Colemono dans le spécial Merry Chipmas 2013 du Mathieu Plante Show. On continue tout de suite avec Jiffy Pop 23. Voici How It In Blue No Santa Cruz. Thank you. c'était 8-bit Kinderlin par 81TTR45HR10T. J'ai aucune idée comment prononcer ça. Avant, il y avait Two Player avec Sleigh Ride. On a débuté avec Jiffy Pop 23 avec Awatenbu no Santa Kurusu. Oui, des noms difficiles à prononcer, mais c'est le spécial Merry Christmas 2013 où tout le monde s'est donné le mot pour faire des pièces de Noël version chiptune, évidemment créées à partir de consoles de jeux vidéo ou encore inspirées par les jeux vidéo. Et on continue avec un autre bloc tout de suite qui commence avec Matecha. Voici Let It Snow. Mike Rudy et Nighthawk, précédé de Laffy the Fox avec Santa Away et au début du bloc, Matesha avec Let It Snow. Il y a beaucoup de pièces de Laffy the Fox, vous pouvez les retrouver dans les autres compilations des années précédentes en visitant brkbrkbrk.com/MC et ensuite l'année que vous voulez. Je crois que ça remonte jusqu'à 2011. Donc MC 2011, 2012, 2013, 2014 et là il y a 2015 qui est sorti depuis le 20 décembre 2015. On continue avec un autre bloc de Mary Chipmiss 2013. Voici Starman Stan et Gross Vom Krampus. We'll be right back. C'était Pokai avec Last Christmas Wham cover. Oui, un cover de Wham. Avant ça, c'était Sketchman 3 avec Rizu Parvule Amagi 3 Mix. Et on a débuté avec Gruss von Krampus et l'artiste Starman Stan. On est dans Merry Christmas 2013. On écoute de la musique de jeux vidéo, mais version Noël, ou de la musique de Noël version jeux vidéo, c'est comme vous voulez. Et on continue avec Cloudy Girl. Voici Stirring of the Mouse, Carol of the Bells cover. We'll be right back. Faraday et The Christmas Tree, précédé de Spry avec Mouse Tour. Et on a débuté avec Cloudy Girl et Stirring of the Mouse, qui est un cover de Carol of the Bells. Il nous reste un dernier bloc à Mary Chipmiss 2013. Commençons-le avec 3ND Mion avec Oh My God, ZOMG, Joy Joy. We'll be right back. c'était Pieces of Eight avec Christmas Baby Please Come Home, avant ça Snowy Overworld de Starman Stan, avant ça Wailord avec When Your Keys Are Locked in Car During Winter, et on a débuté avec ZOMG Joy Joy par Thrandy Meon, ou peu importe comment on prononce ça. Voilà, c'est tout pour la compilation Merry Christmas 2013, on a entendu 2014 avant. Je vous rappelle que la compilation de 2015 est disponible depuis le 20 décembre sur brkbrkbrk.com/mc2015. C'est tout pour cette édition du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine, toujours les mercredis de 15h à 17h. Consultez la programmation complète sur cifre.ca et retrouvez les notes de l'émission et les balado-diffusions sur assemblagerequipe.com. De la part de toute l'équipe fictive du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, c'était Mathieu Plante, et vous avez été planté.